Bruxelles, capitale de l'Europe, accueille plusieurs festivals. Cette année, un petit nouveau fait son apparition. Ce sera en juin et c'est le BRIF, Brussels International Film Festival. Avant de vous en parler, un coup de projecteur sur Anima, festival consacré aux films d'animation. Il débutera le 9 février prochain pour s'achever le 18 février. Ce sera la 37e édition. C'est le film irlandais The Breadwinner qui fera l'ouverture et en clôture ce sera le film coréen The Shower. Il y aura 5 compétitions, long-métrage, court-métrage film professionnel, court-métrage film étudiant, court-métrage film pour jeune public et court-métrage nationaux. 18 prix seront remis par 2 jurys. Celui de la compétition internationale est composé du français Pierre-Luc Grandjean, de la canadienne Janet Perlman et du portugais José Manuel Ribeiro. Celui de la compétition nationale du belge Chris Hulens, de la britannique Jen Hall et de l'estonienne Annu-Laura Tüttelberg. Parallèlement aux séances de films, Anima propose également un large panel de conférences dans le cadre des journées professionnelles Futur Anima. Le néerlandais Michael Dudok de Wit, auteur de La Tortue Rouge, prix spécial Un Certain Regard à Cannes 2016, nommé aux Oscars et aux Césars en 2017, animera une masterclass sur la créativité intuitive. De nombreux films de Anima seront également montrés en décentralisation dans différentes villes de Wallonie et de Flandre, telles que Hatte, Charleroi, Liège, Mons, Namur, Anvers, Gand, Louvain et Genk. Plus d'infos sur www.animafestival.be. Brussels International Film Festival, aka le BRIF, déboule dans le paysage cinématographique bruxellois et belge. La première édition du BRIF débutera le 20 juin et se clôturera 10 jours plus tard le 30 juin. L'annonce a été faite il y a une dizaine de jours lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Bruxelles. C'est l'équipe du Brussels Short Film Festival, déjà rodée par une dizaine d'années d'expérience, qui sera à l'œuvre. L'objectif, c'est de transformer Bruxelles en véritable capitale du cinéma. Plusieurs axes définissent les contours de ce nouveau festival. BRIF avec BR comme dans Brussels. De Flaget à l'UGC de Brouckère en passant par Beaux-Arts, le Palace ou les Galeries, les principaux acteurs du cinéma bruxellois sont décidés à transformer la ville en Movie Village et permettent aux Bruxellois de s'approprier le festival. BRIF avec un B comme dans Belgium, fondateur du BSSF et du BFilm Festival, les organisateurs mettront un point d'honneur à exhorter la Belgitude. Une compétition nationale permettra de mettre en avant la qualité et la diversité des talents belges. BRIF avec un I comme dans International, une compétition internationale invitera le grand public à découvrir de nombreux longs métrages en avant-première sur le territoire belge. Capitale de l'Europe, Bruxelles se doit également d'accueillir une compétition européenne en ses murs. Le BRIF avec un F comme dans Fête ou Fest, l'esprit du BRIF s'inscrira dans un contexte décalé et festif permettant à tout un chacun de plonger au cœur de l'événement. BRIF avec deux F comme dans Fest and Famous, le BRIF souhaite marier strass et paillettes à son image au travers de la présence d'invités prestigieux. D'autres temps forts seront mis en place. Chaque édition sera marquée par la présence d'un invité d'honneur, l'occasion de programmer une sélection de films phares qui lui sont chers. Des rétrospectives rendront hommage à des grands noms du cinéma qui seront également présents en tant que jurés d'une des compétitions. Plus d'infos sur www.brif.be. À la prochaine !